bien voilà, vous voulez de nous rejoindre, bienvenue sur Radio Gomozo. Claude, Serge, Georges, Didier, Gilbert et Bernard, les célibataires, Papa et Momo, un groupe de beaux garçons, ce qui se faisait de mieux à l'époque, mesdames, pour entamer cette première heure de Salut 60. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, je n'ai qu'une joie, c'était le voir pour toujours revenir. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, Everybody's doing a brand new dance now. Come on. Que des bonnes surprises sur Radio Guimauzo, que des tubes. Un excellent après-midi se prépare. Le Locomotion, une composition signée Goffin King. Ce dernier l'interprétera, mais c'est Little Eva qui en fera un tube mondial. Du côté des adaptations, c'est la version de Sylvie Vartan qui sera la plus populaire en France. Adaptation contre version originale, au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs. Le hit parade de mai avec quelques disques extraits de ce hit parade. Et notre rubrique, le coin du spécialiste, sera consacrée aujourd'hui à Noël Deschamps. C'est ce que vous pourrez retrouver si vous décidez de rester en notre compagnie. En tout cas, et quel que soit votre choix, je vous souhaite une excellente journée. Jimi Hendrix explose. Elvis Presley, The King et Priscilla Beaulieu à Las Vegas disent yes. La super friteuse de Seb arrive sur le marché et élimine les odeurs de friture. Michel Polnareff ne s'est pas encore laissé pousser les lunettes. Et en Grèce, les colonels font le putsch à Athènes. Le camion fait naufrage. Alain Delon et le samouraï pour Jean-Pierre Melville. Dans mon agenda, quand j'en pique un petit boudin. Paul Newman et Westernise dans Luc la main froide. Jusqu'au matin. Et le beau docteur Barnard réussit la première transplantation du cœur. Je viens rechercher mes bonbons. Persona, l'île aux femmes de Bergman sort. J'ai la lampe off de Ben Swildens éclaire la vie. Quand tu m'as fait cette réflexion. Avec le déodorant Printil, la peau reste fraîche. Pour moi tout au long de ma vie. Prairie, c'était Long Christ et les Dalton. Nous sommes en 1962 et Long Christ est loin de se douter que son pote Johnny, l'ami de toujours, l'ami de la bande de la Trinité, va devenir son gendre en épousant dans les années 90 sa fille Adeline. Mais revenons à l'année 63 et au mensuel d'octobre de Salut les copains qui nous fait découvrir une nouvelle chanteuse, Ria Bartok, dont le titre Cœur cartonne dans les hit parades. Au cœur, je t'entends battre. Au fond de moi, tu bats comme un fou. Au cœur, oui, je t'entends battre. Avec l'amour, trop souvent tu joues. Au cœur, pour toi je m'inquiète. Lorsque tu bats à grand coup. Prends garde pour mon cœur, pour toi j'ai si peur. Quand l'amour est plus fort que tout. Laisse-moi te crier, trop souvent tu oublies. En 1961, Chubby Checker passe à l'Olympia. Horreur ! Quelques heures avant son passage, on s'aperçoit qu'il danse le twist, oui, mais à l'américaine. On l'amène rapidement chez Régine, qui lui prodigue des leçons de twist à la française. Et pour la petite histoire, eh bien, sachez que Chubby Checker obtint sur la scène de l'Olympia un triomphe bien mérité. Twist again, like we did last year. Twist, yo!

l'a suivi, l'a embrassé, puis il a dit adieu. Il paraît qu'il avait des larmes dans les yeux. Quand il a démarré dans la nuit, il pleuvait. Elle lui a dit de ralentir, mais est-ce qu'il l'a entendu quand elle a crié? Attention! Arrête! Attention! Pense à lui presque tout le temps. Elle se souvient de leur bon moment. Ses amis lui disent toujours ne plus pleurer son grand amour. Elle ne l'oubliera pas, lui le chef de la bande. Cadamon, le chef de la bande, ou les Sangrilins, leader of the pack. Adaptation ou version originale, allez sur Radio Guémozo, c'est à vous de choisir. Is she really going out with him? Oh, there she is, let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? Mm-mm. By the way, where'd you meet him? Yes, we see. That's when I fell for the leader of the pack. Small, kissing goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on a rainy night, I begged him to go slow. And what we heard, I'll never know. I felt so helpless, what could I do? Thank you. sugar was fine. I feel nice. The sugar is fine. So nice, so nice. I got you. I feel nice, the sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you. Salut les copains! Le 1er mai 1962, au Sahara, la France effectue ses premiers essais atomiques souterrains. Une nouvelle qui touche peu ou pas du tout la jeunesse française qui s'intéresse plutôt aux hit parades de l'époque. Hit parade dans lequel, laissez-nous twister, la version des Chats Sauvages se classe à la 47e place. C'est maintenant, et laissez-nous twister. S'agit pas de vous moquer, arrêtez de nous blâmer. Nous dansons ce qui nous plaît, et laissez-nous twister. Twister, twister, à notre tour de danser. Twister, twister, et laissez-nous twister. Le tango ou le cha-cha, continuez, c'est votre droit. Et laissez-nous twister. Vous disiez de votre temps la même chose à vos parents. Laissez battre notre sang et laissez-nous twister. Twister, twister, à notre tour de danser. Twister, twister, laissez-nous twister. Oh yeah. Oh baby. Lean back and twist. Lean back, come on. Lean back. Oh yeah. Mais comme on n'est pas jaloux, qu'on vous aime malgré tout, allons venez avec nous, essayez de twister. Les jambes un peu écartées, vous commencez à balancer, car vous êtes très doux et vous aimez twister. Twister, la jeunesse veut s'amuser. Twister, twister, c'est la twister. Oh, oh yeah. Lean back, twist me baby. Lean back, come on. Lean back, oh yeah. Oh, shake now.

fin de l'été sur la plage. Il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage. Baiser, santé, le sable chaud, Nancy Holloway, quand vient la fin de l'été. Si vous me dites que vous préférez Dernier Baiser, la version des Chats Sauvages, soyez-en certains, je ne vous contredirai point. Fin 1964, Thierry Vincent tente avec Merci Merci une incursion dans le rhythm and blues, tentative réussie, et quelques mois plus tard, les Rolling Stones l'inscriront également à leur répertoire. Oh, merci. Oh, merci. Beatles, les Lionceaux, les Beach Boys, Good Vibration, le plein de nostalgie sur Radio Guimauzo. I love the colorful creature and the way the sunlight plays upon her head. Écrire à Radio Guimauzo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne, les Remiremont, ou téléphoner au 03 29 62 40 40. Je ne peux l'acheter, non. Je donnerai tout, tout mon ami, oui tout pour me l'acheter.

Eh bien, après Sylvie Vartan, Mr. John B, ben voici de retour Roy Orbison, Lana. Baby, I know it's got me feeling when you say

60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Game. Noël Deschamps est né le 22 juin 1942 à Villefranche-sur-Saône, une ville pas vraiment spécialisée dans le rock. Il essaye d'apprendre le métier d'ajusteur sans grand résultat. Il pratique le football avec plus de succès. Hélas, pour lui, une blessure l'oblige à interrompre sa carrière. Puis il monte son premier groupe, Jimmy Dan et les Diables Rouges. Mais Noël Deschamps doit rendre des comptes à la nation et s'en va effectuer son service militaire. À son retour en août 1962, il remonte un groupe et, comme beaucoup de jeunes à l'époque, il gagne Paris pour tenter sa chance plutôt que de moisir en province. Finalement, il passe à la fin de l'année 63 dans le temple du rock and twist, le célèbre Golf Drouot. Justement, cette fin d'année 63, le célèbre Golf Drouot organise un concours, le prix Aimant. Noël Deschamps et son groupe s'y présentent en novembre 63 et après une prestation fulgurante, ils sont proclamés vainqueurs. Les maisons de disques étant à l'affût de nouveaux talents, RCA s'empresse de lui faire signer un contrat. C'est en juillet 1964 que sort donc le premier 45 tours de Noël Deschamps. Il n'a alors que 22 ans et on le décrit comme un nouveau Claude François avec le punch de Johnny Hallyday. C'est le début d'une carrière qui le mènera jusqu'en 1984. Noël Deschamps, le seul chanteur qui ait su représenter le rhythm and blues en France, sans vraiment dénaturer ce genre alors inconnu, aujourd'hui, eh bien, il est cordonnier et possède deux boutiques. Toutefois, quand on lui parle du show business, il pâlit et à juste titre. Je dois te répéter combien je t'aime, c'est insensé. Plus de 100 fois par jour, crier mon amour, puis à nouveau, tout recommencer, ça n'est jamais assez. Qui par hasard, je suis sans te parler, juste le temps de respirer. Tu me regardes et te mets à soupirer. Bien plus forte que moi. Et ne pensez qu'à ça, non pas chose en moi. Je ne fais pas l'histoire, je me dis, c'est bien sans moi. Et puis toute la nuit dans mes rêves, tu me poursuis. Je ne suis plus d'accord et là, moi je suis lent. Seulement je le dois. Je veux pouvoir. C'est bien. Ne crois pas mes histoires contre toi, mais je ne veux rien. J'ai fait ce que j'ai pu, jour et nuit, mais j'ai résisté. Mais je n'ai pas gagné, l'amour est bien plus fort que moi. Rock'n Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. On se moque de toi, laisse dire. Ton petit nez retroussé me plaît comme ça. Tu portes un pantalon, bon, j'ai vu pire. Pour si peu ne t'en fais. Donc, hey, oui, je te prends tel que tu es. Je te trouve même très jolie. Indifférent à ce que l'on peut penser. Eh oui, il n'y a pas de quoi en pleurer. Tu sais bien que je t'aime ainsi et ne veux pas te voir changer. On se moque de toi, laisse dire. Tes allures de garçon ne me choquent pas. Allons, refais-moi vite un sourire. Pour si peu ne t'en fais. Donc, hey, oui, je te prends tel que tu es. Je te trouve même très jolie. Indifférent à ce que l'on peut penser. Hey, oui, il n'y a pas de quoi en pleurer. C'est bien que je t'aime ainsi et ne veux pas te voir changer. Eh oui, il n'y a pas de quoi en pleurer. Tu sais bien que je t'aime ainsi et ne veux pas te voir changer. Trois garçons, un samedi soir, dans la cour du bâtiment 4, se demandent ce qu'ils vont faire demain. Ils n'ont qu'un seul cinéma, le film, ils l'ont déjà vu trois fois, et il est mauvais, très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et que ce ne sont plus des enfants. Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche? La fleurette au fond des bois. Vraiment, ça ne les intéresse pas. Les gens qui habitent la cité n'aiment pas beaucoup les voir rôder. À leur place, pourtant, qu'est-ce qu'ils feraient? Là où ils voudraient aller, ah, ce n'est pas la peine d'y penser. On ne les laisserait pas entrer. Qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche? Les filles qui sont du quartier, font jamais, jamais pour eux. Il en serait peut-être autrement si les parents et si les gens se demandaient bien plus souvent qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche, puisqu'il faut tuer le temps et que ce ne sont plus des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche, la pleurer tout dans les bois. Vraiment, ça ne les intéresse pas. Dites, qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche, qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche, qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche. F, L, A, F, H, B, A, C, K, Flashback. Quand tu t'en vas là, et je ne suis plus le même. Quand tu t'en vas là, mais demain je pourrais te dire combien je t'aime, combien, combien. Enfin je pourrais te dire te voilà, et je dirai te voir. on y gagnerait. Que je suis un ami, tranquillise-toi, j'ai moi aussi été joué. Un numéro 3 nous l'a ravi. Tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. Radio, collez brancher avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. We'll be right back. Tommy, à l'instant, c'était les Trucks, l'idole des jeunes opposé au King. Dans une poignée de secondes, un troisième et dernier match de légende sur Radio Gameoiseau. T'aimes pas les nouvelles danses, ni les films de suspense. T'aimes mieux qu'on s'installe dans un petit jardin, tout seul la main dans la main, sentimentale. Mais moi ça m'est égal. Tu n'aimes pas les boîtes de nuit et les cocktails t'ennuient. T'aimes mieux les oiseaux, les fleurs, le ciel bleu et me regarder dans les yeux, sentimentale. Mais moi ça m'est égal. Yeah. Tu ne connais pas le moindre pas du mot, ni le rock'n'roll, ni même le calypso. So, so, so, so. Ton cœur sans une valse, une valse à trois ans. Tout même de famille crie au scandale, comme dans une fille de 20 ans, sentimentale. Et moi ça m'est égal. Yeah, rap merde. Vraiment comme on ne l'est pas. Mais on peut dire tout ce qu'on voudra. Jamais personne ne m'aimera sentimental. D'un grand amour comme ça. D'un grand amour comme ça. D'un grand amour comme ça. Johnny Hallyday, sentimental, c'est l'adaptation. Baby I Don't Care, c'est la version originale. Elle est interprétée par Elvis Presley. L'idole des jeunes ou le roi du rock'n'roll sur Radio Gameoiseau, un pur moment de bonheur. Font leur début sur Europe 1 pour ceux qui aiment le jazz. La défense à Paris semble une fleur de béton, le Knit, aux USA, l'automation, bat son plein. Georges Brassens dévoile sa vraie nature, Boussac dévoile sa mode imprimée. Le général de Gaulle est élu président de la République. Il décide même que ce sera la 5e République. Konak fait clic-clac. Debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. La Calas fait scandale en refusant de chanter à Rome. Ingmar Bergman scelle le 7e saut, Le pétrole algérien arrive pour la première fois en France. Serge Gainsbourg explore l'underground parisien. Je suis le poinçonneur des glands. La nouvelle vague nous offre Jean-Claude Brialy, Gérard Blin et Bernadette Lafont dans le beau Serge de Claude Chabral. Sous la terre, drôle de croisière. Et le Dalai Lama inaugure son nouveau palais. Ragtime, c'était les Animals. Il voulait chanter du rock, il sera, sera le prince du Madison, Billy Bridge sur Radio Gemozo. Ça, c'est le Madison. Vous reculez, un grand thème vous dessinez. Voilà maintenant c'est parfait. Madison, c'est ça. Madison, pour bien t'amuser, c'est pas compliqué. T'as qu'à faire en somme, ne danser que le Madison, car le rythme c'est prenant. En sorcelant, que tu ne peux résister, tu ne peux que succomber. Madison, c'est ça. Madison. C'est pas compliqué, t'as qu'à faire en somme. Ne danser que le Madison, car le rythme est si prenant, merveilleux en sorcelant. Que tu ne peux résister, tu ne peux que succomber. Madison, c'est ça. Dans quelques minutes, bien il sera 17h, ça sera l'heure de se quitter. Je vous rassure tout de suite, on se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche entre 10h et midi pour la rediffusion hebdomadaire. L'émission d'aujourd'hui est disponible sur radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Voilà, c'est notre adresse internet. Salut les 60, merci de nous avoir tenu compagnie. Excellente semaine sur Radio Gemozo. Yeah. silhouettes from the shade. We come away, put his arms around your waist, held you tight, kisses I could almost taste in the night. But why I'm not the guy whose silhouettes on the shade I deny. It is in my eyes. Silhouettes on the shade said to my shop, you're on the wrong road. Rush down to your house with wings on my feet. Loved you like I've never loved. You're my sweet. Vowed that you and I would be two silhouettes on the shade all of our days. Two silhouettes on the shade. Oh. De la prison. On va jouer pour le départ de ce vieux Jim. Il a 40 ans qu'il est bouclé, crénom de nom. 40 ans qu'il est gardien, sire, sire, quel rock. Oh, oh, oh, quel rock. Ça a boum et ça saute comme du champagne. Et rock, c'est rock du bagne. Arthur attaque la trompette et donne le ton. Jimmy sur sa vieille clarinette fait des prouesses. Bob, le chouchou du directeur, est au piston. Sam, le banquier, fait sauter la caisse, quel rock. Oh, oh, quel rock. Ça va boum et ça saute comme du champagne. Et rock, et rock, c'est rock du bac. Oh les gars. Ouais, oui, ouais. Oh, oh. J'avais dans une prison, on aura vu tout ça. Ça remis de partout, c'est formidable les gars. Jim s'en donne vraiment un cœur de joie. Car c'est demain qu'il nous quittera. Oh, quel rock. Oh, oh, quel rock. Ça a boum et ça saute comme du champagne. Et rock, c'est rock du bagne. Mais les gars, dans la grande cour de la prison, on va jouer pour le départ de ce vieux Jim. La 40 ans qu'il est bouclé, crénom de nom. 40 ans qu'il est gardien, signe, signe, oh, quel rock. Oh, oh, quel rock. Ça a boum et ça saute comme champagne et rock, c'est rock du bagne. Ça boum et ça saute comme du champagne. Et rock, c'est rock du bagne. Ça boum et ça saute comme du champagne. Et rock, c'est rock du bagne.